Vivante fleur de noisette et siffleur, venue je ne sais où, en un jour calmé, pour un instant se reposer, se vite imprudemment poser sur un boulot au bord de l'eau. Le jour était de ce où le soleil dans l'ombre, suspendant un instant sa course vagabonde, se vint et doucher, coucher, c'est ainsi que l'enfant divi avec le ciel si beau sur un arbre au soleil, son corps vermeil. Oh Dieu, m'en croirais-je mes yeux, si dit-il aussitôt, le monde entier se noie, je n'en serais douté, moi-même je le vois, au secours, le fleuve dans son cours, qui s'en peine enfin, pâlit ma vie. La fin du monde annoncée est aujourd'hui commencée, et mon ami d'ailleurs au sein de ma mère commune. La fin du monde annoncée est aujourd'hui commencée, et mon ami d'ailleurs au sein de la mère commune.